L'actualité à Nancy et ailleurs. L'Arche de Nancy nous propose de nous plonger un peu dans l'ambiance des fêtes de fin d'année avec un marché de Noël qui va se dérouler le 26 novembre de 15h à 18h, précisément à la salle Henri Blaise, c'est à côté de la basilique Sacré-Cœur à Nancy. Pour nous parler de cet événement et aussi de l'Arche, du gemme de l'Arche, nous accueillons en studio Brenda. Bonjour Brenda. Bonjour. Christine. Bonjour. Et Mickaël. Bonjour. Brenda, assistante à l'Arche. Oui, c'est ça, à la Braise, deuxième maison de l'Arche à Nancy. Mickaël et Christine qui font partie du GEM. Alors GEM, ça veut dire quoi? Groupe d'entraide mutuelle. Et Christine, donc, qui a le rôle de présidente du GEM, oui, de ce groupe d'entraide mutuelle. Et Mickaël. Mais moi, je suis trésorier à l'Arche, au GEM les compagnons. Parce que cet événement du 26 novembre, c'est au profit de ce groupe d'entraide mutuelle. Christine, pour nous présenter un peu, c'est quoi un GEM? C'est un groupe d'entraide mutuelle où on se réunit pour créer du lien social. Vous organisez régulièrement des rendez-vous, des sorties, des animations? Oui, donc j'ouvre aussi en autonomie, donc le mercredi et un samedi par mois. Brenda, le GEM, ça fait partie intégrante de l'Arche à Nancy, mais l'Arche, c'est aussi plusieurs maisons. Rappelez-nous un peu le rôle de l'Arche, comment ça fonctionne à Nancy, c'est quoi? Alors l'Arche, c'est une habitation inclusive, donc une habitation dans laquelle se trouve plusieurs studios. Chaque personne en situation de handicap est aussi assistant employé pour une année en tant que service civique ou bien plus en tant que salarié. Donc on vit ensemble, on est chacun locataire, bon, moi en l'occurrence je suis externe mais mes collègues sont internes, on est chacun locataire du studio qui fait partie intégrante de la maison et donc on a les lieux communs, donc la cuisine, la salle à manger, la salle télé. Et en fait le projet c'est donc de vivre ensemble, de casser un petit peu les fractures entre le monde potentiellement du handicap et tout le monde. Donc des assistants qui, comme dans votre cas, sont externes, mais aussi beaucoup qui sont internes et qui vivent 24 heures sur 24 avec les résidents. Les résidents qui sont aussi amenés à aller travailler en journée. Oui, c'est ça. Dans des ESAT, du coup, dans des FAS aussi, on a anciennement aussi les ESAT, anciennement appelés CAT. Donc oui, c'est des lieux où plusieurs personnes, donc de l'Arche et aussi d'autres lieux, viennent travailler donc en journée. Mmh. Dans les quatre maisons de l'Arche à Nancy, on a plusieurs ESAT, donc nous, par exemple, à la Braise, on a des personnes qui vont dans le même ESAT que les personnes de la Colombe, la Canopée ou de la quatrième maison qui vient d'ouvrir. Donc. Et voilà, ça permet aussi de rythmer le quotidien. Et donc, d'autres personnes ne travaillent pas en ESAT, mais donc rejoignent Christine et Mickaël au GEM. Ce GEM, ce groupe d'entraide mutuelle, vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions qui se passent au GEM? Voilà, comme aujourd'hui, on allait à la foire d'automne, plus la marche. Le mercredi, c'est la cuisine. On fait un repas partagé le mercredi soir. Et le jeudi, c'est la pâtisserie. Et avant le jeudi, on va faire du sport. Et donc, pour permettre de financer toutes ces actions, ces rendez-vous conviviaux, ces repas, ces sorties, le marché de Noël, bien, il va permettre un peu de financer tout ça. C'est ça, Christine? Oui, c'est ça. Dites-nous un peu les particularités de ce marché de Noël qui va se dérouler donc le 26 novembre, c'est ça? C'est ça. Ah, oui. Il y a les calendriers de l'Avent qu'on fabrique nous-mêmes. On passe aussi des commandes à Trolibroy, c'est une arche très importante en France. Et donc dans leur ESA, dans leur CAT, ils fabriquent tout ce qu'on va pouvoir vendre. Et aussi cette année, donc on a organisé une chorale et aussi on a la venue du Père Noël et la distribution de cadeaux. Et on aura aussi un temps où on pourra être pris en photo, donc avec des petits déguisements qu'on fabrique aussi. Et voilà, en maison aussi, on va fabriquer des choses, donc on a déjà quelques idées. Puis voilà, ce sera surtout un moment de partage et de retrouvailles avec tout le monde et d'ouverture. Mais on va remercier Catherine et Lucia, ces deux bénévoles qui ont fait aujourd'hui qu'on va vendre à la Bonfante. On les fait avec eux. C'est deux bénévoles qui viennent tous les lundis. Ils viennent nous donner la commande pour le marché de Noël et tout. Ces temps forts, ils comptent pour vous, Christine? Oui. Bah, ça fait plusieurs années qu'on fabrique des choses nous-mêmes. Et on aime bien les travaux manuels. Et ça vous permet de faire connaître l'Arche aussi à des personnes qui ne connaîtraient pas, qui seraient juste visiteurs. Oui, justement, hier, j'ai accueilli une nouvelle personne, donc qui va vendredi venir pour la première fois. On rappelle, c'est le dimanche 26 novembre, c'est de 15h à 18h à la salle Henri Blaise, c'est à côté de la basilique du Sacré-Cœur, donc c'est facile à repérer et à trouver. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce marché de Noël qui est plein de monde, plein de sourires? Oui, plein de monde. Il y aura de quoi se restaurer sur place un petit peu ? Oui, on a prévu des boissons et aussi de quoi manger. Des gonfles, des fêtes. Voilà, on va partager un bon moment. Et dans les projets ? Là, c'est bientôt les 60 ans de l'Arche. On va partir une semaine en Bretagne. Une semaine en Bretagne ? Oui, et puis avec le deuxième, à la fin de l'année, partir à Marseille pendant 2-3 jours. Et puis la semaine prochaine, on s'en va en Belgique. Et pour rencontrer une association d'artistes, donc de personnes en situation de handicap qui vivent de leurs œuvres, donc peinture, sculpture. Et donc le projet, c'est aussi de s'ouvrir à d'autres associations. Et on a une salariée qui s'appelle Alexia, qui est aussi beaucoup dans les travaux manuels, qui travaille au GEM, donc avec Christine et Mickaël, et tous les autres aussi. Et son projet, c'était aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et grâce au financement particulièrement et tout ce qu'on met en place, c'est possible. Donc lundi et mardi, Mickaël, Christine, Marc et Muriel vont avec Alexia donc rencontrer cette association en Belgique. On va à votre rencontre le 26 novembre pour ce marché de Noël et trouver plein de petites idées et cadeaux sympathiques pour les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas ? Merci Mickaël, merci Christine et merci Brenda. Merci à vous. Merci. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.